Elle hausse ses épaules quand on dit mon nom. L'heure la plus sombre éclate en rayon. Sous le joug du travail et des obligations, tandis qu'acclamations et congratulations célèbre hautement mes exploits accomplis. Une berline grise émerge du passé pour me mener par les chemins, les cités promis jadis pour une lueur dans ses yeux. Héritage que me donne et refuse la fortune, un collègue sans qui est de son amour perdu. Simple glouse du mépris, dis-je, est perdu entre adultères, vieilles filles et retraitées. Elle hausse l'épaule quand on dit mon nom. Pourtant mon cœur absous c'est froid dédain. Sa froideur, ses croyances, s'il lui pardonne, ce n'est pas seulement la folie de sa chair, de son sang brûlant qui m'enivre encore, mais son rire défunt qui renaît et demeure. C'est froid dédain, sa froideur, ses croyances, s'il lui pardonne, ce n'est pas seulement la folie de sa chair, ni de son sang brûlant qui m'enivre encore, mais son rire défunt qui renaît et demeure.